Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission « Où ira bien qui ira le dernier ?» tous les quatrièmes dimanches du mois sur Radio Panique. Chaque mois durant une heure, vous pourrez découvrir un groupe, un artiste, mais aussi et surtout l'écouter en live, puisque « Où ira bien qui ira le dernier ?» est dédié à des sets musicaux et sonores en direct des studios de Radio Panique. Et pour cette première émission, nous recevons le bruxellois Trapézoïde et son synthé modulaire. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Trapézoïde a installé ses machines et nous commençons l'émission par un mini-set, une impro de 5 minutes. On se cale et on écoute. trapézoïde pour ce premier morceau. Constantin, tu as devant toi quelques machines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as ? Donc toi, tu travailles sur Synthi EMS, si je me trompe. Oui, c'est ça, là, ici. Donc c'est un EMS Synthi AKS. Mm-hmm. C'est-à-dire AKS parce qu'il a clavier séquenceur, en anglais ça se dit keyboard sequencer, donc KS et A parce que c'était le modèle Synthi A. Okay. C'est les descendants du fameux VCS3 qui a été beaucoup utilisé par Pink Floyd, parmi les plus connus, O'Queen, Gong, etc. Qui était un truc assez encombrant à l'époque et puis ils ont décidé de le mettre dans une petite mallette qui le rend beaucoup plus portable, quoi. Oui, c'est ça, c'est un objet qui date des années 70. Oui, c'est ça, celui-ci date de 73. D'accord. Et donc, comment ça fonctionne concrètement, le Synthi analogique modulaire ? Oui, c'est ça. Donc, c'est modulaire dans le sens où ce sont tous des modules qui sont séparés et que tant qu'il n'y a aucune connexion qui est faite entre les modules, ben, il n'y a simplement pas de son qui sort. Ok. Toi, tu fais les connexions ? Oui, moi, je fais les connexions. Je règle les différents paramètres des modules. Donc, dans les modules, il y a les oscillateurs, il y a le filtre, il y a une enveloppe, une réverbération, un générateur de noise. Et c'est le module vraiment de base d'un synthé modulaire. Mais celui-ci a la particularité par rapport à la plupart des synthés modulaires de type Moog ou même les Buchla. Quoique ils se connectent avec des câbles. Ici, tous les modules sont reliés sur une petite matrice et on connecte en mettant des petites aiguilles dans des trous. Et donc ça permet un très grand gain de place et ça offre beaucoup plus de possibilités de connexion que les câbles. Une fois qu'il y en a un dans un trou et un dans l'autre, ben, on est un peu limité ici. Pour envoyer vraiment chaque module dans n'importe quel autre, de manière très, très, très, très versatile. Là, tu n'as pas encore utilisé le keyboard Oui, je l'utilisais. Là, c'est lui qui jouait la séquence pour le truc qui était presque mélodique dans l'impro que j'ai fait. C'est lui qui jouait cette petite partie mélodique. Et il semble que ce soit assez rare, hein, donc des personnes qui utilisent encore ces appareils. Il y en a à peu près 5 en Belgique. Ah ça je sais pas, c'est Jean-Paul qui, qui me disait ça. Jean-Paul à la technique. Ouais, qui... Bah récemment à la rencontre modulaire là au central, j'ai rencontré quelqu'un qui en avait un. C'était la première personne que je rencontrais en Belgique qui en avait un aussi. Ouais, puisqu'il y a des rencontres donc assez vraiment spécialisées, hein, mardi par mois au central, où chacun va amener son appareil, a priori des synthés modulaires, va le présenter et puis c'est suivi d'une jam. Oui, c'est ça. Et là, il y avait même un concert avant. Ouais. Et donc, toi qui es un spécialiste, tu as appris des choses là-bas ou comment ça s'est passé ? Je suis loin d'être un spécialiste, je suis tout débutant dans ce milieu-là. Ça fait deux ans et demi que j'ai joué avec les machines. Moi, j'ai appris plein de choses, j'ai vraiment rencontré des gens, là, un gars belge là, qui s'appelle Fabrice, qui fait des synthétiseurs aussi, l'Assence Venturi, je crois. Mmh. Vraiment très très chouette, on a beaucoup discuté. Échanger plein de points de vue, ça finit à 3h du matin en mangeant des moules au chat noir. Et tu as joué soirée, quoi. Oui, on a joué, on a fait une petite jam en fait, à laquelle eux n'ont pas participé. Si je me souviens bien, lui et Steve avec qui ils jouaient, mais il y avait encore les Emmerich de Tapol et François qui étaient allés avec leur système. On s'est trouvé à jammer à 3 en connectant les synthés un peu entre eux. Et donc tu disais oui que finalement t'es assez novice, enfin ça fait 2 ans. Donc t'as commencé le synthé en 2008 dans un groupe qui s'appelle Fungus Imperator, groupe de psyché rock. Oui c'est ça, c'était projet de rock psyché où finalement il y avait certains types de sons que j'avais envie d'entendre et je me suis rendu compte que c'était ce synthé-là qui produisait ces sons que j'aimais beaucoup dans plein d'autres groupe, donc j'ai eu la chance d'avoir un peu de sous et de pouvoir m'en acheter un. C'est comme ça que j'ai fait mes premières armes au synthé. J'avais eu un jouet avant, un petit comme un virus A, mais bon, ça n'a rien à voir avec... Mais peut-être on peut écouter, t'as amené un morceau de Fungus Imperator. Il y a un morceau là. C'est un groupe qui n'existe plus. Bah, ça a terminé récemment, parce que enfin, disons, en gros ça prenait une tournure qui correspondait plus à trop ce que j'en attendais, donc j'ai arrêté, et voilà. D'accord. Alors, écoutons... un morceau de Fungus Imperator, je sais pas lequel aura choisi Jean-Paul, qui est dans... Where's My Wind. Thank you. Voilà, c'était Fungus Imperator, ton premier groupe de psyché rock, donc où tu as joué du synthé. Donc il semble que ça a été vraiment influencé par la musique psychédélique, donc qui était une forme de contre-culture dans les années 60, beaucoup influencé aussi par la prise de produits hallucinogènes. Oui. Je sais pas si, comment vous avez vécu la musique psychédélique. En produit, c'est un peu chiant, la musique psychédélique. Ouais. Voilà. En tant qu'artiste, autant qu'en tant que public. Auditeur, peut-être, ouais. Oui. Et en quoi on retrouve ces influences dans ton projet solo aussi? Peut-être, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu hypnotique. Je ne sais pas comment toi, tu vois la chose. Comment je vois la chose? Je ne me suis jamais posé la question. Mais bon, je joue ce que je sens. J'essaie de retranscrire un petit peu des états d'esprit que j'ai vécu, etc., dans la musique. Ce genre de machine s'y prête vraiment bien parce que ça peut avoir des sons qui ne sont produisibles d'aucune autre manière. Et alors, même en plus, des fois, la machine s'emballe. Est-ce que c'est le fait que moi, je suis pété? J'ai l'impression que c'est la machine qui s'emballe ou quoi? Je sais pas, mais ça fait vraiment des choses assez, assez incroyables. Et, allez, ouais, je m'éloigne un peu du truc. Non, je crois qu'on y est. Oui, mais j'aime bien aussi, tu vois, c'est un peu un esprit où je suis un petit peu ce que la machine fait aussi, quoi. Je peux pas vraiment moi-même décider, j'ai déjà remarqué avec différents groupes dans lesquels je joue, quoi. Si je veux faire quelque chose de précis, en général, ça marche pas. Et le mieux, c'est vraiment laisser la machine elle-même partir. J'oriente la manière dont elle court, et c'est dans ces moments-là que ça se passe vraiment le mieux avec ça. Sans doute pour ça que c'est des synthés que certaines personnes n'aiment pas et trouvent, mais vous êtes fou pour mettre un prix pareil dans une machine comme ça, parce que tu ne sauras jamais faire deux fois la même chose. Et oui, parce qu'il y a de l'aléatoire, en fait. Mais oui, mais c'est ça que j'aime dedans, justement, quoi. Mmh. Et à la base, donc là, l'instrument a pris une grande part pour toi comme musicien, mais tu es bassiste de formation. Formation, c'est un bien grand mot, mais j'ai joué de la basse pendant longtemps. En autodidacte, en fait. Oui, oui, oui, oui. J'ai juste fait 3 ans de contrebasse classique à l'académie aussi, parce que je pouvais en avoir une à prêter gratuitement. Et là maintenant, tu as complètement délaissé l'instrument? Non, pas du tout. Je ne suis pas encore à la basse. Bon, je ne joue plus de basse dans un groupe pour le moment. Je suis encore la contrebasse dans un groupe de rockabilly qui s'appelle The Lorraine Stray Bullets. Mm-hmm. Je suis en train de démarrer un projet. Depuis que j'ai arrêté Fungus, je me suis remis à la contrebasse acoustique, en fait. Donc. Et là, je vais faire un projet avec une amie qui est chanteuse. On se dit qu'on va essayer de faire des petits trucs à deux, juste chant, contrebasse. Ah oui, du coup, rien à voir. Rien à voir, mais on mettrait peut-être un peu de synthé dans certains trucs aussi quand même, parce que ça permet ne plus que de faire des petites rythmiques ou des petites ambiances. Enfin, c'est encore un projet qui est à l'état purement de projet. Il y a un autre projet à toi, justement, Criminol Amande Inferno. Pas à moi, mais je suis dedans depuis peu. Voilà, voilà, en tout cas, vous êtes trois. Hein. C'est Criminal Dan au drum, à la batterie, Diabolik Slim à l'orgue, et toi-même, Docteur Constantin Zoug. Ouais, Doudou. Pourquoi ce nom Je passais à la première répète que j'ai été faire avec eux, comme ça, parce que j'étais en invité pour un concert, parce que je connais l'organiste qui était venu jouer du sitar en invité dans un concert de Fungus. Et puis voilà, je me suis retrouvé à aller jouer avec eux, puis après le batteur a fait « on devrait kidnapper le Dr Zog ». Et puis en allusion au synthétiseur Moog, ils ont fait « Dr Zog ». Ok, et c'est resté ton nom. C'est comme ça que c'est resté mon nom de scène, vu que c'est un groupe qui est très basé sur les personnages, qu'on est tous costumés sur la scène. Ouais. Oui. Non, c'est... Oui. On va y revenir, mais peut-être on peut écouter. Et puis, donc Criminal Amande Inferno, quel morceau tu as... Là, c'est un morceau qui s'appelle Ghost Rider, c'est une reprise d'un morceau... Je ne pourrais même pas dire de qui c'est, en fait. Bon, Criminal, c'est beaucoup des reprises un peu réarrangées de grands classiques de la soul science-fiction italienne des années 60, comme ça. Et ça rigole bien, c'est chouette. C'est, ouais. C'est du bon son, quoi. Ouais, très bien. On écoute, hein. Criminal. Thank you. De retour dans les studios de Radio Panique, vous venez d'entendre Criminol Amont Inferno, un groupe donc où joue Constantin alias Trapézoïde, dont on entendra le live dans quelques minutes. Donc pour revenir sur Criminol Amont Inferno, oui c'est ça ce que tu disais quand des grooves mystérieux d'organes rencontrent des morceaux, des classiques italiens avec une esthétique très années 60, années 70. Aussi, certains peut-être vous ont vu hein, au magasin 4, vous jouiez hier. Vous portez ouais. des squelettes sur, enfin vous avez des tenues de squelettes sur scène. Oui, ça, le baptême, en fait, ce sont des personnages de BD qui ont été adaptés au cinéma aussi des années 60, petits comics italiens comme ça. Il y a donc Criminal qui est une espèce de petit squelette assez méchant, ça qui est le rôle du batteur. Donc, Criminal Dan. Ouais. Criminal Dan. Je ne sais pas si je peux dire son vrai nom. Et alors, Diaboliksim, lui, c'est un autre espèce de super-héros comme ça, avec un masque et juste les yeux qui sont apparents et tout le restant de la tête est noir et une cape noire rouge à l'intérieur. Ah oui, qui est dans un clip aussi. Vous avez fait des clips avec des capes dans les bois. Oui, oui, ils ont fait clip. Ouais. Là, je n'étais pas encore dans... T'as pas tourné Dans le plan, non. Mais c'est tout récent. Moi, c'était mon deuxième concert avec eux. D'accord. Il y aura un troisième bientôt, puisque vous jouez samedi prochain, le 30 octobre. Churchill's. Ouais. Au Churchill, au pub Churchill, ouais. Jamais été, je ne sais pas du tout comment c'est. Peut-être nos éditeurs non plus. C'est l'occasion, c'est rue de l'Écuyer, juste à côté de Brouckère. Et ça va groover. Hein. Enfin, c'est vraiment un morceau... Oui, avec des, un groupe avec des morceaux plus classiques comme ça. Qu'est-ce que tu amènes toi là? Comment Parce que j'amène un peu de son de l'espace comme ça, je dirais. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est je reprends le son de ce qu'il joue à l'Orgamond et en parallèle à ce que lui fait, je retravaille le son en le filtrant et en mettant des effets dessus, puis il y a certains passages où évidemment je laisse partir les machines et ça fait plein de petits bruits. Par exemple, dans le morceau qu'il y avait ici, c'est Ghost Rider, donc Ghost Fantôme. J'ai eu l'idée, je commençais à faire chanter le filtre et ça fait un peu des effets de ouh, les fantômes comme ça, et c'est assez amusant. Donc j'essaye d'apporter ce... Oui, c'est ça, le jeu a l'air d'être aussi un peu à l'initiative du projet, non, entre les costumes... Oui, c'est un truc pour s'amuser... Avant tout, même si ça fait quand même très très sérieusement, parce que Dan, le batteur, il sait ce qu'il veut, il est bien... Pour le coup, c'est aussi carré. Bien clair, et donc c'est ça, quoi, il mange un métronome tous les matins, à mon avis, c'est super en place et tout. Enfin, c'est très agréable de jouer avec quelque chose qui a un niveau d'exigence comme ça aussi, sans pour autant se prendre la tête, quoi. Un autre projet que tu as, c'est un duo, et... On a la chance exceptionnellement d'avoir la deuxième personne avec nous ce soir, puisqu'il fait la technique de « Où ira bien, qui où ira le dernier ?» C'est Jean-Paul. Ouais, c'est exact. effectivement, en régie, on peut compléter le groupe. Et donc, votre duo « La guerre des boutons », c'est de l'impro électro-expérimental, parfois ou toujours avec visuel. Mais comment vous fonctionnez un peu tous les deux? Toi, tu es toujours avec le synthi, Constantin? Principalement, oui, mais on utilise d'autres choses parfois aussi. Là, on s'est tous les deux pris de passion pour les monotrons récemment, qui sont les petits, tout petits synthés que Korg a sortis. Jean-Paul en a deux, j'en ai un, on les a trafiqués, on a rajouté des câbles dedans et tout, parce que c'est très facile à bender. Et donc, notre dernière performance, c'était la guerre des monotrons boutons, où il y avait les petits monotrons en plus. Et toi, tu viens avec des instruments que tu fabriques toi-même ou... Oui, voilà, moi, c'est plus bricolage que Constantin. Mais au final, ça fait des univers sonores complémentaires. On a un panel de sons assez large. Et tu utilises aussi des likembe électriques là, la mélophone électrique. On s'est concentré un peu sur toutes sortes d'instruments avec boutons et c'est de l'impro hein. On n'a pas des morceaux qui sont en place. Ouais, vous, c'est pas de la compo. Non, voilà, pas de compo. De la compo spontanée et éphémère. C'est ça. Voilà. Et parfois, vous bossez avec d'autres gens pour les visuels. Chemical Slideshow, c'est eux, ils travaillent sur Diapo, ce que j'ai eu l'impression. Oui, enfin, c'est un gars, en fait, il s'appelle Gilles, et il travaille. Bah, c'est lui qui faisait l'éclairage pour Criminal, Amon d'Inferno aussi. Il avait déjà fait des choses avec Fungus. Également, on va faire des choses avec lui aussi quand il faisait une exposition à Recycler et on avait été, Jean-Paul et moi, jouer pour... il avait décoré toute une pièce avec ses projections. Là, c'est principalement des projecteurs d'IA où il retravaille des DIA avec des colorants, etc., où il joue avec la chaleur et il fait fondre la DIA un peu en direct et ça fait des chouettes effets quand c'est projeté. Ou alors, il travaille avec des rétroprojecteurs aussi, sur lesquels il met des plaques de verre. Mais je ne sais pas comment on appelle ce verre-là. C'est du verre qui est palisse, comme il y avait sur les portes des toilettes avant, pour qu'on ne voit pas à travers, mais qu'on ne trouve martelé, plus. Martelé. Donc, du verre martelé, ça casse. Hein. Non, enfin, ouais, non. C'est un intitulé générique. Et parfois aussi, tous ensemble, vous faites des choses avec pose longue, hein, c'est ça? Pose longue, oui. C'est de la danse aussi. Oui, ça, c'est une danseuse, Ai Suzuki, son copain Pascal Basse, qui lui fait des projections basées sur les automates cellulaires. Je sais pas expliquer exactement ce que c'est l'automate cellulaire. Bah, en gros, un gros livre là-dessus. Mais... Il fait un feedback vidéo, c'est-à-dire il refilme ce qu'il projette simultanément, et puis voilà, il retraite l'image avec des logiciels, et il arrive à un résultat assez psychédélique. Oui. Voilà, elle suit, en général, elle voit l'image sur un moniteur, et voilà, elle suit le... Ouais, c'est de la danse très très lente comme ça. Ouais, ça fait penser à du buto, mais je crois que voilà, elle met pas ce nom-là, mais non, voilà, ils ont un peu communiqué avec donc les gens du buto, mais ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est à part. Et tous ces projets, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je sais que toi, ton projet solo, c'est sous licence Creative Commons. Je sais pas si c'est le cas des projets aussi avec Jean-Paul, avec Criminal. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce principe de la licence qui assure à la fois la protection des droits d'auteur, mais qui permet surtout une libre circulation des œuvres. Donc comment ça se passe, comment ça jongle là? Comment expliquer tout ça? Ah merci pour la vanne, quoi. Non, c'est en créatif quand même. Bah, en fait, c'est surtout, moi j'ai découvert ça via Jean-Paul, en passant par un site qui s'appelle Dogmazic, où on peut mettre des morceaux en écoute, mais en quantité, en durée illimitée. Et où là, c'est uniquement sous licence libre. Et ça a une philosophie qui me plaisait bien au départ, parce que de toute façon, pour ce qui est des droits d'auteur, bah, j'espère plus trop. Je sais même que maintenant, actuellement, tu prends la SABAM ou quoi, si tu es petit, diffusé dans des radios libres ou des choses comme ça, il n'y a rien qui revient. Il n'y a jamais rien qui revient de la SABAM. Même, je quand même joué dans des groupes aussi qui tournaient relativement, et on avait quasiment encore tour de la SABAM, même si les disques étaient loués à la médiathèque, etc. Pourtant, en tant que membre de la médiathèque, on paye... une redevance pour ça et tout aussi. Donc, c'est un peu, on s'est dit, bah voilà, au stade actuel du téléchargement, etc., bah, c'est plus la peine d'essayer de se dire, j'ai protégé mes morceaux, etc. Parce que maintenant, des morceaux qui sont protégés, bah, dès que le disque sort, il est copié et disponible sur plein de plateformes. Donc, bah, l'avantage du Centre Creative Commons, c'est de dire, bah voilà, de toute façon, mes choses là sont gratuites, téléchargez-les, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais voilà, sous tel type de licence, je les place. Alors il y a différents, il y a six licences différentes où on peut dire voilà, j'accepte qu'on l'utilise pour une utilisation commerciale ou pas. Une qui est là par défaut à chaque fois, c'est évidemment au moins citer l'auteur et dire je propose mon œuvre, mais elle peut être travaillée, elle ne peut pas être retravaillée. Ouais, mais c'est dans ce sens-là quelque part qu'elle est protégée parce que tu gardes le... Oui. Tu gardes le... La naissance, enfin, comment le... Tu gardes la propriété intellectuelle, si on peut dire ça. Ouais. Ben c'est même quelque chose, enfin, c'est un terme que j'aime pas des masses, ouais. Propriété intellectuelle, parce qu'enfin, je vois un peu, c'est peut-être une optique psychée de la chose, mais ben, la musique, c'est plutôt, voilà, la musique, elle est là telle qu'elle, et elle s'incarne dans certaines personnes à certains moments, mais bon, c'est pas toujours dire, certains la captent mieux que d'autres, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est quelqu'un qui est propriétaire de ce qu'il a, de ce qu'il a capté, c'est comme un libéral, type qui va découvrir une plante, est-ce qu'on peut dire qu'il est propriétaire de cette plante-là, parce qu'il l'a découverte, quoi, donc... Pas du tout. Puis j'aime bien cette dynamique de vraiment diffuser un maximum les œuvres en ne les protégeant pas, même en ne les vendant pas. Et puis de toute façon, se dire que ce qui est important pour un musicien, c'est de se faire connaître, et limite avoir des concerts. Et c'est plus là-dessus qu'à notre époque, je crois qu'on doit... On doit tabler pour avoir un peu de revenus avec la musique ou quoi, c'est en se disant, oui. Voilà, je diffuse ma musique gratuitement comme carte de visite. À la rigueur, je fais un ou deux disques que je vends s'il y a des gens qui veulent vraiment avoir le disque. Et le restant, je cherche des concerts avec la musique diffusée gratuitement. Quoi. Mm. Et Creative Commons se prête vraiment fort à ça, et pas seulement pour trouver des concerts, mais aussi pour une collaboration. Genre, voilà, il y a des choses qui sont disponibles, pas mal de réalisateurs de cinéma ou quoi, un relatif. Effectivement, plus petit niveau, vont aller chercher là-dedans et puis peuvent contacter quelqu'un en disant « Tiens, j'ai entendu ton morceau là-bas, j'aime bien. Est-ce que tu es d'accord que je l'utilise pour tel projet de film ?» Or, là, on le fait et la personne le cite aussi. Oui, du coup, Dogmatic, c'est aussi un lieu où tu peux aller voir et échanger aussi. Ah oui, il y a énormément de groupes, on peut laisser des commentaires, etc. J'ai un peu comme sur MySpace, mais bizarrement, je suis toujours étonné de voir la quantité de... C'est vraiment une communauté très active, parce que la quantité d'écoute et de téléchargement que mes morceaux ont sur Dogmatic est vraiment étonnante, quoi. Par rapport à MySpace, où il y a peut-être deux écoutes par semaine, là, ça n'arrête pas. Certains, c'est vraiment étonnant, que ce soit avec Trapézoïde, avec La Guerre des Boutons, etc. Aussi, il y a une communauté alternative, là, qui est très chouette, qui tourne là autour. Très bien. Écoute, peut-être par rapport à ça, juste sur quelques mots sur la diffusion, s'il semble que c'est le moyen un peu pour vivre, diffuser un projet solo expérimental au Synthi, comment ça se passe? C'est une bonne question, j'aimerais bien le savoir. Je serais un peu mieux diffusé. Ouais, enfin, trouver des dates. Ça se fait comme ça, par un peu pour le moment, par le bouche à oreille. Ouais. Mais bon, comme je suis pas encore, finalement, je dois avouer, je suis quand même pas super à l'aise avec ce truc-là. Et je cherche pas encore de trop. Je crois que d'ici un an ou deux, je maîtriserai beaucoup mieux la chose. Et là, je pourrais commencer à chercher un peu sérieusement. Mais sinon, ouais, j'ai sorti un premier album qui est aussi sous licence Creative Commons, mais là, c'est sur un net label russe. Un gars avec qui cherche les musiques expérimentales, illogiques et bizarres. J'ai vraiment bien aimé ce que je faisais. Et là, c'est vrai que j'ai été étonné, parce que l'album a été... Enfin, c'est gratuit, évidemment, mais c'est quand même été téléchargé plus de 20 000 fois en quelques mois quand il est sorti, quoi. Donc, j'étais... Waouh. Ouais, au moins, tu sais que la musique est écoutée. Oui, c'est ça, au moins c'est écouté. Et puis, j'ai des retours, évidemment, c'est via Internet, hein, via MySpace, etc., ou via Dogmatic, voilà, des gens qui font « Ah, j'aime bien ce que tu fais. » Bon, c'est surtout des choses qui se font à ce niveau-là. J'ai pas encore eu vraiment des gens qui me font c'est génial, j'adore, tiens, voilà un budget de 10 000 euros, tu fais la musique de mon prochain film. Ça me plairait bien, mais bon, on n'y est pas encore, quoi. Bien, bon. D'ici là, on va t'écouter en live. Il nous reste un quart d'heure. Donc, un quart d'heure de live de Trapézoïde dans les studios de Radio Panique. 100% improvisation. C'est à toi, Constantin. De retour sur Panique, on vient d'entendre un live de Trapézoïde. Merci beaucoup Constantin. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Donc c'était pour la première de Où ira bien, qui où ira le dernier. Cette semaine Trapézoïde, le mois prochain ce sera Mister Diagonal, fondateur du Blacklight Orchestra, qui a priori lui aussi viendra en solo. Merci à Jean-Paul, DJP pour la technique, Chloé au micro. On vous laisse avec Reggae on Sunday qui va suivre. Et pour finir, un dernier morceau, on va passer Persiane. Persiane Red Bones. Red Bones. Oui, je suis loin de... du micro. Persiane Red Bones pour finir, de Trapézoïde. Et à dans un mois. À dans un mois. Allez, ciao. Salut. Thank you. Thank you.